Alors, c'est intéressant et important de commencer votre chemin vers le baptême par cette belle fête de Jésus où lui-même, très mystérieusement, se fait baptiser par Jean. Sauf qu'il y a une grande différence entre le baptême de Jean, que Jean procurait aux gens, et celui qui sera institué finalement dans la suite de Jésus. Le baptême de Jean, c'est un baptême un peu de repentance qui signifiait le désir de changer de vie. Le prophète annonçait, préparez votre cœur, le Seigneur s'en vient, préparez votre cœur, changez de vie. Plongez-vous dans l'eau du baptême et en vous plongeant, laissez le vieil homme en vous mourir et laissez ressortir, lorsque vous ressortez des eaux du baptême, devenez un peu justement créature nouvelle. Tournez-vous vers celui qui s'en vient. Jean-Baptiste, encore une fois, n'avait pas le pouvoir de donner l'Esprit-Saint. Que vous, vous aurez cette chance et cette grâce de recevoir au moment de votre baptême. Le baptême, d'une certaine façon, c'est comme une noce. C'est une noce de la personne, corps et âme, avec la grâce de Dieu, qui va venir s'établir dans votre cœur de façon stable, un peu comme un mariage. Dieu va épouser tout votre être. Déjà, le Seigneur vous aime, c'est clair. Et c'est lui qui a travaillé votre cœur pour que vous ayez le goût de le connaître. Donc déjà, le Seigneur est là, présent dans votre soif. Mais au moment du baptême, il va comme sceller. Le baptême est irrévocable. Une fois que tu es baptisé, tu l'es pour la vie. Et un baptême, ça s'enlève pas. On peut se faire rayer le nom d'un registre, mais le baptême demeure. C'est une empreinte indélébile sur le cœur qui nous dit une chose, qui nous dit « Tu es mon fils, ma fille bien-aimée. » Qui nous fait entrer nous-mêmes dans cette grâce qu'est Jésus. Dans cette grâce qu'est Jésus. En Dieu, il y a une trinité d'amour, Père, Fils, Esprit Saint. Et nous, on est appelés par la foi et le ciel. Après, ça va être d'entrer nous-mêmes dans cette trinité d'amour. Mais ça va être où notre place? Ça va être où notre place dans la trinité? Si vous réfléchissez. Plus proche de Père, Fils, Esprit Saint. On est en relation avec les trois, évidemment. Mais en fait, on va être le prolongement du Christ. Saint Paul dit, par le baptême, vous êtes incorporés, vous êtes intégrés au corps de Jésus. Vous en êtes les membres, vous en devenez les membres. Un est les yeux, l'autre la tête, l'autre les orteils, l'autre le petit doigt. On est incorporés au corps du Christ. Donc c'est le baptême qui fait finalement que la même vie divine coule. Ce temps du catéchuménat, c'est un mot qui est proche de la catéchèse aussi, c'est un temps de préparation du cœur. De la même façon qu'il y a des préparations au mariage, lorsqu'on se marie, on prépare notre cœur pour que ce soit une vraie union, pour pas que ce soit juste de l'apparat, des belles photos, etc., mais qu'il y ait quelque chose de solide et de permanent qui s'établisse. Eh bien, de la même façon, avant de sceller votre baptême, il y a une préparation importante, une préparation du cœur plus intensive. Déjà, vous préparez. Il y a déjà, depuis un certain temps, vous avez eu des rencontres, vous écoutez, il y a des amis qui vous entourent, des gens qui vous parlent du Seigneur. Mais là, c'est comme un sprint pour les 2-3 prochains mois jusqu'à Pâques, un sprint de préparation. Et toute l'Église va vous porter de plus en plus dans sa prière pour que vous soyez protégés de tous les petits combats et pour que grandisse une chose, pour que grandisse votre soif. La première lecture du livre d'Isaïe disait, « Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, vous achetez, venez acheter et consommer. venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Nous avons tous une soif profonde, la soif d'être heureux. On a tous une soif profonde, une soif relationnelle. On veut aimer, on veut être aimé. Le premier qui veut assouvir cette soif-là, c'est Dieu. Et plus Dieu me remplit, me comble, me console, plus mon cœur est plein d'amour et donc plus mon cœur est capable d'aimer les autres et de même de recevoir de l'amour des autres. Et encore une fois, il nous dit, venez, même si vous n'avez pas d'argent pour payer, le baptême, c'est la grâce, c'est gratuit. Il dit, pourquoi vous dépensez votre argent et vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas? Votre cœur est invité à petit changer de lieu où vous allez puiser, remplir et combler votre soif relationnelle. Et ça, c'est bon pour nous tous. Hein, quand je suis fatigué, quand mes batteries sont en terre, est-ce que je me recharge juste en zappant, en écoutant la télé, en clavardant sur mon clavier? Est-ce que c'est ça qui me remplit? Je suis appelé à petit à petit ouvrir la parole de Dieu, la Bible, pour me remplir la parole du Seigneur qui, elle, me comble, qui est pleine de paroles de vie, de tendresse, de consolation. Donc c'est cette grâce qu'on veut demander avec vous, pour vous, durant cette célébration. Demandons au Seigneur, nous tous aussi, que ce temps qui nous précède, Pâques, on est encore loin, vous allez dire, on sort de Noël, hein? On saute vite de... Mais Noël est en vue de Pâques. Et Pâques, d'une certaine façon, est en vue de la Pentecôte, de l'effusion de l'Esprit dans chacune de nos vies. Donc, tout est bien interrelié. Donc, on entre à partir de demain dans ce... On quitte le temps de Noël aujourd'hui et on entre dans ce temps ordinaire, c'est-à-dire ce temps où on écoute Jésus, on apprend à méditer sa parole, où on le regarde dans ses faits et gestes. Donc, méditez bien l'Évangile. Je vais d'ailleurs vous remettre une Bible à l'instant. Et nous tous, reprenons notre parole, la parole de Dieu, méditons-la. Et surtout, de plus en plus, demandons la grâce de la mettre en pratique. Oui, Seigneur, merci de donner ces vies nouvelles à notre paroisse, de nous rappeler que tu es encore capable de toucher les cœurs, même en 2015. Toi qui nous attire à toi, toi qui es même présent dans nos soifs relationnelles, viens Seigneur, viens nous combler. Amen. Je vais demander à Jason Marius de s'approcher. Je vais leur remettre la parole de Dieu. Marius reçoit l'Évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jason reçoit l'Évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. On va maintenant faire une prière avec nos catéchumènes. Donc, j'invite les lecteurs désignés à s'approcher. Nos frères et sœurs,